you near. En allant dans la forêt, en marchant dans la forêt, inventant des morses sur des lignes basses. Mm-hmm. Thank you.

Thank you. notre monde par les pattes jusqu'au cerveau.